Allez, on retourne au boulot, Charline, c'est lundi, on y va, en France. Mais oui, Laetitia Gaillet, vous savez quoi, le CAC 40 bondit, donc on est tout guilleret. Guillaume Meurice a une question pour vous. Oui, quelle vie il a, Jean-Yves Courtial? Je ne le connais pas, je ne connais que sa voix. C'est comme la mienne. Il donne le cours de la bourse et puis après il disparaît, on ne sait pas ce qu'il fait, on essaie de s'imaginer des choses, après il va prendre l'apéro. Vous n'êtes pas en couple avec Jean-Yves Courtial? Non, pas du tout. D'accord. Mais si vous voulez qu'on en parle, on se retrouve tout à l'heure. Écoutez, prenez des informations et la suite demain, vous enquêtez. Ok, j'enquête. On veut savoir ce qu'il fait après nous avoir dit que le CAC 40 bondit, parce que c'est important quand même. Merci Laetitia Gaillet. Allez, prochain point sur l'info à 18h, mais nous aussi on fait un petit peu d'informations et pas que d'ailleurs. Écoutez comment ça s'est préparé ce matin et le débat de la journée. Salut les amis. Salut Charline. On est prêts pour cette semaine? Les sujets. Alors moi j'ai pensé. Oui, alors avant tout Charline, parce que je joue mon spectacle à Colombes, moi, mardi soir, donc si tu peux le dire dans l'émission. Ah oui, alors attends, parce que moi je joue à Nantes du 13 au 17 octobre. Mais attendez. Les studios des Champs-Elysées, ça c'est tous les dimanches lundi, toujours, voilà, jusqu'en décembre. Ah ben c'est attention, on va jusqu'en décembre. Moi j'ai une date à Lille. Ah Lille, moi aussi je joue à Lille. Ah oui, oui. Moi je revends ma Twingo, on en parle? Non mais attends, on n'est pas une émission de promo enfin. Ouais, mais moi je cherche une babysitter pour dimanche. Ah tu vas voir mon spectacle? Non, je vais en week-end à Aix. Ah ben attends, justement Aix, j'y joue en novembre. Non, stop, ça suffit. Enfin toujours promo. Attends, moi au supermarché, quand il y a un produit en promo, j'en achète un autre. C'est pas pareil, ici les gens ont envie de savoir. Ben oui, ils sont ravis de savoir qu'on est sur scène. Non, écoutez, de temps en temps je veux bien, mais enfin pas tous les jours. C'est pas juste. Ah, il a raison, Alex. Ça va. Tu vas venir comme invité, tu vas dire oui, toutes les dates du spectacle. Ben oui, même pendant l'émission trois fois. Enfin, voilà. C'est n'importe quoi. C'est génial, Jean-Claude Dreyfus, allez le voir. Non. Jean-Claude Dreyfus, mais c'est l'invité. Oui, ben t'as qu'à nous inviter. Nous aussi, on a un avis sur l'actu. Ben oui, moi François Hollande, je trouve qu'il est pas assez de gauche. D'ailleurs, j'en parle pendant mon spectacle. Je pense qu'il aurait dû taguer lui-même ses œuvres. Parce que l'art ça me passionne, c'est le thème d'ailleurs de ce que je développe sur scène. Hors de question que je vous invite. Tu veux pas nous inviter? C'est pas gentil ce que tu fais aux Français parce que tu les laisses dans l'ignorance de notre talent. Et puis putain, c'est beau ce qu'il dit. Bon, d'accord, je le dis, mais vite, j'en fais qu'un seul par jour. Okay. Bon, alors pour aujourd'hui, qui n'a pas encore eu beaucoup de promos? Moi. Je dis quoi? Twingo, jaune moutarde, 240 000 km. Et au contrôle technique? Ok, en mars 2015. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui se réunit en synode autour de l'actualité. Et voici les trois informations qui seront excommuniées avant 18h. François Hollande fait émerger une nouvelle génération de politiques. Un quart du gouvernement est âgé de 37 à 42 ans. Pour le président, de jeunes ministres sont aussi plus malléables. La preuve quand il s'adresse à eux. Ah, mon petit stagiaire, justement, je vous cherchais. C'est vrai? Non, je déconne, vous êtes inutile, vous servez à rien, et si vous le savez quand même. Un prêtre a choisi la veille du synode sur la famille pour faire son coming out. Il s'agit d'un théologien qui avait réussi à rester discret pourtant dans l'enceinte du Vatican. Alors finalement, vous en êtes? Pardon? Du dîner, vous en êtes? Le covoiturage a donné l'idée à une start-up de créer le co-camionnage. C'est moins cher et on peut y emmener des objets encombrants. Enfin, c'est comme partout, il faut bien tomber sur la bonne personne, quoi. Ce serait pour dire à René qu'il aille directement chez ZZ parce que comme j'ai paumé les clés du camion, je vais être emmerdé pour livrer l'armoire. Et je suis accompagnée de celui qui, sous ses airs d'enfant de cœur, n'est pas le dernier à forcer sur le vin de messe. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline Vanhoenacker. Aujourd'hui, vous avez de la chance, il n'y a que des hommes autour de vous. Ah. Et même nous avons l'équipe de ceux qui racontent n'importe quoi, mais qu'on aime bien entendre. À 17h20, il est censé nous parler cinéma. Mais comme le cinéma, c'est la vie, et comme le cinéma, c'est sa vie, eh bien, il nous parle de sa vie, et ça donne un sacré cinéma. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. De quoi allez-vous nous parler? Alors, quand je vous pose la question à vous, c'est vraiment une vraie question. Un berger suisse. Très bien. Ah, ben oui, ça paraît évident. Tellement plus, mais on a envie. À 17h30, lui, il est censé faire œuvre d'impartialité, comme tout bon journaliste. Eh bien, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, depuis plus d'un an, il nous a jamais rapporté un reportage impartial. Et c'est dans cet espoir qu'on attend et qu'on continue à l'écouter. C'est Guillaume Meurice. Ah, ben non, c'est foutu pour aujourd'hui. Et où vous êtes allé? Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis rendu hier au Grand Prix Qatar Arc de Triomphe à Longchamp, plein de passionnés de chevaux, de courses qui étaient là pour. C'est pour boire du champagne. Oui, il est passionné de boissons pétillantes aussi. Et à 17h40, il est censé nous parler de musique. Le problème, c'est qu'une fois que son jingle est terminé, il reste trop peu de temps pour vraiment raconter quelque chose de construit. Alors il fait le grand n'importe quoi et c'est souvent ce qu'il fait de mieux. Cet homme à VDB. Et pourtant, aujourd'hui, pas de jingle, c'est Alex. Par contre, attention, une très très grosse surprise. Oh là là, je n'en dis rien. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va chanter tout à l'heure. Oh là là. Oh là là. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous le gouvernement provisoire de Félix Gouin. Vous incarnez... Oh, c'est le premier, ça. Ouais. Chic, chapeau. Voilà. Vous incarnez Monsieur Marie dans des spots publicitaires à partir de 86. C'est l'année où le vidéoclip arrive en France. Vous jouez dans Délicatessen en 91. Ouais. C'est l'année du grunge et de la découverte de Nirvana. Il n'y a pas de hasard. On vous retrouve dans L'Anglaise et le Duc d'Éric Rohmer en 2001 quand Love Story nous informe sur tout ce qu'il est possible de faire dans une piscine. Et donc, vous avez connu des choses. Vous êtes... Je ne suis pas Elsa Meyer, mais je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire. Ah oui, je m'appelle Jean-Claude Dreyfus. Ah mais voilà, oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. J'annule tout. Jean-Claude Dreyfus a tout annulé pour venir avec nous aujourd'hui. On vous retrouve dans Le Chant des Oliviers. C'est au Théâtre du Splendide, une pièce de Marilyn Ball, avec Juliette Duchaussois, Frédéric Kiering. Oui, exact. Alex Vizorek est allé vous voir. Je suis venu vous voir et j'ai voyagé parce qu'on est dans le sud. Quand on est en Provence. Voilà, on descend, on est chez Bagnol. On commence avec les cigales. Exactement. Et puis vous êtes là en cuisinier, vous faites la cuisine. J'ai l'impression. Et ça sent, vous avez senti. Alors vous êtes tombé sur le seul qui pouvait pas le faire parce que. D'odorat. Je suis anosmique, non, mais vraiment. Mais je le goûtais. Alors, en vous entendant couper. On a créé ce spectacle en Avignon. Et en Avignon, je mettais huile d'olive, oignon et puis des herbes. Là, évidemment, comme il y a un spectacle, il y avait aussi en Avignon un spectacle après, mais ils étaient plus cool. Là, on me permet simplement un peu de romarin et d'huile d'olive. Mais ça sent, et ça sent la lavande, puisqu'on met un peu de lavande sur le devant du... Sophie Jacob, qui a fait le décor, a mis un peu de lavande sur le devant de la scène. Ah, il y a un vrai théâtre olfactif, alors. Je veux dire, quand j'étais en Avignon, il faisait 45 degrés, et j'avais les projos, bon, ça c'est normal quand on joue, et j'avais la plaque chauffante aussi. Donc, voilà. Le cuisinier transpirait. Oui, j'ai maigri beaucoup. Ah, ça se voit, j'allais vous le complimenter. Donc vous êtes ce cuisinier qui reçoit sa filleule. Ouais, cette filleule que je vois une fois tous les deux mois, en principe. Elle vient me voir, je vis seul dans cette grande maison, et bon, je suis à la retraite, hein, j'ai un âge, l'âge de la retraite. Ouais, mais vous n'avez pas envie vraiment. Ça se voit pas. Non, mais vous avez envie de cuisiner. Ben, je continue à cuisiner. Ouais. Et elle arrive là, et elle arrive avec un monsieur qui va être, ils vont se marier, voilà, et il s'appelle Fahed. Voilà, et ça n'aide pas. Il est libanais, et la cuisine libanaise, comme vous dites, c'est gras, c'est dégueulasse. Le mezzé, rien que le nom, rien ça m'écœure. Ça m'écœure, oui, donc... c'est vraiment pas, c'est pas. Et pire que la cuisine libanaise, il fait de la cuisine moléculaire. Moléculaire en plus, ouais. Avec un grand chef, un étoilé en plus. Comme vous dites, enfin, un scientifique étoilé. Il veut carrément me descendre au fond de la cave. Parce que c'est deux écoles de cuisine qui s'opposent. Ben d'être oui, deux c'est ce que je dis, la dorade et le roast beef dans la même cocotte, ça va pas le faire. Il y a un truc qui c'est l'ego du cuisinier. Demain, on reçoit Philippe Etchebest, un grand cuisinier. C'est très typique de la cuisine, et peut-être du cuisinier français, je ne sais pas, mais d'avoir un ego, d'être ce chef d'entreprise. Ils essaient de créer, de trouver des nouvelles formules, des nouveaux plats. Et je le parle comme un cuisinier. Je pense que j'ai été un bon cuisinier, enfin, dans l'histoire de la pièce. Et que je faisais la cuisine traditionnelle, la cuisine française, et l'autre qui arrive en me disant que je fais la cuisine franchouillarde, vous vous rendez compte un petit peu, donc on va pas s'entendre. Et puis, on va pas le raconter, mais il y a un secret de famille derrière tout ça. Il y a un secret de famille. Si en plus se greffe, et que finalement, ce jeune cuisinier moléculaire essaie de m'appâter, de tourner un peu autour de... Et il a compris certaines choses. Et il a même envie de vous proposer d'essayer sa cuisine. Oui, j'essaye d'ailleurs, je remets de la confiture quand même. Hein, mais Jean-Claude Dreyfus, il n'y a aucun moment dans la pièce, moi je ne l'ai pas vu, où vous surgissez d'un rideau comme ça avec un plat préparé. Non, ça, monsieur Marie, c'est terminé. C'est marrant que pour la cuisine, on fasse souvent appel à vous. Oui, surtout, d'une façon générale, je ne fais pas de cuisine. J'aime bien faire les courses, parce que les courses, c'est ludique, on rencontre des gens sur les marchés et tout, j'adore ça. Mais la cuisine, je ne suis pas très patient pour faire la cuisine. C'est déjà répéter une pièce, ça prend beaucoup de temps pour la faire en 1h20. La cuisine, c'est un peu la même chose. Ça prend des heures pour que les gens mangent sans apprécier ce qu'on fait. Et heureusement, ça ouvre l'appétit, c'est à 19h au Théâtre du Splendide. Oui, pour l'apéro, c'est bien. Ouais, c'est parfait. Et après, il y a l'apéro à 19h, et après, on peut les dîner tous ensemble. Ah, voilà. Ça ouvre l'appétit, les nourritures terrestres et spirituelles. Et l'odorat pour les chanceux. Les gens sortent en ayant ri beaucoup. pleuré et en même temps, ils ont faim à la fin. Ils ont un petit creux. C'est au théâtre du Splendide, Le Chant des Oliviers, avec de Jean-Claude Marilyn Ball, on va oui, dire. C'est sa première pièce qui est jouée et c'est un jeune auteur, donc on essaie bien d'en parler quand il même. Il faut l'encourager, bien et sûr. Et Anne Bouvier, qui est une jeune metteuse en scène, qui en a fait la mise en scène. Voilà. Et vos partenaires, Julia Duchossois, Frédéric Kiering, et c'est Jean-Claude Dreyfus qui est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Ce soir à vouloir croire en quelque chose. Je m'obstine sans faire de choix, le cul entre deux chaises. Doutant mais sans doute trop sûr de moi, je nage dans la paresse, sans palme ni tuba. La boule à facettes, 17h20 sur France Inter, mais... Synapson, ça s'appelle Dope. Et autour de la table. Et pas de commentaires, autour de la table. Dans l'ordre, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Thomas VDB et notre invité Jean-Claude Dreyfus qui m'a dit quand on a fini à Paris, à partir de septembre prochain, on va se balader en tournée. Oui, un peu partout en France, voilà. J'adore ça. Voilà. Vous allez cuisiner sur toutes les planches, non, le Chant des Oliviers. Des cuisines différentes surtout. Mais bien sûr, le Chant des Oliviers qu'on peut voir actuellement au Théâtre du Splendide. Alors à cette heure-ci, Jean-Claude Dreyfus, on va vous remettre à la page sur tout ce qui s'est passé dans les 24 heures écoulées. Au niveau de l'information pointue, hein, ouais, recoupement de sources, ces choses-là. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Florian Philippot a lancé sa campagne pour les régionales et surprise à ses côtés pour son premier meeting, un sosie de Johnny Hallyday. On espère que Johnny lui rendra l'appareil en faisant monter sur scène à Bercy un sosie de Florian Philippot. MacGyver va revenir à la télévision. On espère qu'il sera diffusé le dimanche après Michel Drucker, histoire de se sentir bien dans les années 80. Et si éventuellement il pouvait reconstruire le mur de Berlin, ce serait encore mieux. Non, c'est toujours bien, Berlin. Et quelques brèves politiques, c'est comme les brèves insolites. Mais celle-là, c'est avec votre argent. Et on commence par les inondations dans le sud. Oui, ce week-end, la ville de Cannes a été noyée par des trombes d'eau. Cannes, une ville qui avait pourtant vu arriver la nouvelle vague. Oui, et qui chaque année distribue des palmes. Social avec Air France. Oui, la direction d'Air France annonce un nouveau plan de sauvetage avec la suppression de 2900 postes afin d'être plus compétitif. Alors, vu le nombre de licenciements à Air France, les hôtesses de l'air indiquent plus souvent les issues de secours au sol que dans les airs. Politique à présent. Oui, le député PS Razi Hamadi propose l'impôt pour tous, même les revenus minimums obligatoires. Alors j'ai sous les yeux l'amendement qui précise les deux catégories de personnes auparavant exonérées d'impôts mais qui devront l'acquitter. Il y a les allocataires du RSA et... Thomas Thévenoud. Ah, dure nouvelle pour lui. On reste à gauche avec ce rapport co-signé par Claude Bartolone qui préconise le retour au septennat, donc un mandat unique de 7 ans. passer d'un 5 à 7 dans ces conditions. DSK se dit prêt à se présenter en 2010. Passons à droite avec Nadine Morano. Elle est revenue de Moscou et directement elle est allée se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Un séisme de 6,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. Il n'y a aucun blessé, du moins en surface. Oui, mais le général qui commence à s'habituer à ce genre de visite, puisque chaque année, Florian Philippot vient le fleurir. Il paraît que la famille du général aurait demandé qu'on l'enterre directement à Nuremberg, quitte à voir défiler des fachos, autant que ce soit dans un endroit où c'est une tradition. Et vous en parliez hier, Florian Philippot a lancé sa campagne. Oui, la tête de liste FN pour la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a rassemblé plusieurs centaines de militants dans un gymnase à Voix-Vacon. Et surprise, on l'a vu sur de nombreux clichés avec un sosie de Johnny Hallyday qui, paraît-il, aurait poussé la chansonnette. Oui, et j'ai le liner de ce concert. Pour mettre les militants dans sa poche, il attaquait par... Noir, c'est noir. Et là, je peux vous dire qu'il y avait une ambiance de dingue dans le gymnase. Et puis Florian a parlé de Nicolas Sarkozy. Et puis Florian a rendu un petit hommage à Jean-Marie Le Pen. Et enfin, il a terminé en parlant sobrement de Marine Le Pen. Voilà, c'était un très très beau spectacle. Vivement le prochain meeting avec peut-être Michel Sardou en sosie. Et on termine par de la télévision, Alex. Oui, la bonne nouvelle de la journée, la série MacGyver revient. CBS a commandé un reboot de la série. Et comme l'acteur n'est plus à la hauteur pour tenir le rôle, eh bien ils ont casté beaucoup de gens, mais le meilleur reste... Mac, on est coincé dans une cave, il n'y a que des objets inutiles et l'eau monte. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit déjà toute la boîte à outils. Mais Mac, mais quelle boîte à outils? Il y a une bouteille d'Orangina, trois épingles à nourrice et un tournevis rouillé. Tu trouves ça de bons outils? Ces outils sont même exceptionnels. Exceptionnels? Mais t'es vite content, excuse-moi Mac, mais c'est de la merde. Les outils sont là, faut les utiliser pleinement. Ce que j'aime chez toi Mac, c'est l'espoir. Ah ça sent le succès. Oui, écoutez, fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait l'habitude de rêver de grandes choses avec très peu de moyens. Retour à l'information normale à 17h24 sur France Inter en compagnie de Jean-Claude Dreyfus. Il est là. Et on va aborder le premier sujet d'actualité avec vous, qu'on va approfondir, mais bien dans le fond. Parce qu'on va au fond des choses, nous. Gardons ça pour le deuxième sujet, peut-être. Je ne dirai pas ce que c'est, vous n'aurez qu'à rester avec nous. François Hollande a réussi à trouver du boulot à quelques jeunes, oui, Macron, Valo Belkacem, El Khomri ou Fleur Pellerin. Ils ont entre 37 et 42 ans. C'est la pépinière des nouveaux talents à gauche, la génération Hollande, celle de la jeunesse, comment dire, pragmatique. Emmanuel, il sait très bien ce qu'il veut. Medef. Vous avez vu, il progresse vite, hein. Il a déjà prononcé ses premiers mots. Il prend sa cœur, fait caca. Il est tellement mignon, hein. Moi, il me fait craquer. Les guignols de l'info, c'était quand Canal était encore Canal. C'est un bon slogan, ça. Jean-Claude Dreyfus. Voilà, il y a un quart du gouvernement qui a autour de 40 ans et qui occupe des portefeuilles très importants. Il y a l'économie, le travail, l'éducation. Alors, on dit toujours que les politiciens français ont les cheveux blancs, ce sont de vieux hommes blancs, français, etc. Et là, c'est bien de rajeunir les cadres, quand même. Ah, voilà. C'est bien de rajeunir les cadres, mais sur votre papier, il y a marqué ces jeunes ministres. Ou dans longue. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'ils veulent la présidence de la République, tous. Ah, c'est ça, il ferait mieux de s'occuper de leur ministère et de bien travailler. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes quand même dans un gouvernement. Alors, dans longue, on peut dire que peut-être à 37 ans, quand on est déjà ministre, c'est un exploit, écoute, non? C'est pas mal. Hein, non, c'est pas mal. Vous rappelez ce que vous faisiez quand vous aviez entre 37 et 40 ans? Rien. Ah ben, comme eux, finalement. Alors, j'étais ministrable aussi. Hein. Ça n'a jamais été une volonté. J'étais admirablement ministrable. Non, je faisais du théâtre, évidemment. Déjà, j'avais déjà cette envie d'être sur scène. Donc eux, ils sont ministres, ils ont envie d'aller plus loin. Bah, ils ont l'envie d'avoir envie. Hein, ouais, mais au moment où ils sont ministres, ils devraient s'occuper de leurs affaires plutôt que de s'occuper de 2017. Ouais. Ils ont le temps parce qu'ils sont tellement jeunes qu'ils peuvent se présenter jusqu'en 2054. On veut pas non plus de vieux présidents de la République, alors. Ouais. Alors en son temps, Mitterrand avait fait pareil. Il avait hissé une nouvelle génération, Jospin. Jox. Et puis des femmes, il y a des femmes quand oui, même. Oui, aussi, c'est vrai. Edith Cresson. Edith Cresson. Formidable. Ou Laurent Fabius, tiens. Donc, c'est-à-dire que pour certains, on risque de se les coltiner une paire de dizaines d'années, non ? Oui, c'est dur. Et même lancé Bernard Tapie, qui était jeune à l'époque. Oui. C'était la génération, c'est la génération Mitterrand. Une jeunesse qui s'est construite loin des appareils politiques, donc ce ne sont pas des apparatchiks. Ils n'appartiennent pas à un courant socialiste. Certains ne sont d'ailleurs pas tout à fait socialistes. Hippolyte Girardot, vous avez un avis sur la question ? Vous voyez ce que je trouve, ça fait très scolaire quand même, non ? On va mettre des petits jeunes, on va les envoyer un peu au feu, on va bien voir ce que ça donne. C'est vraiment de la manip, quoi, parce que ça n'a aucune espèce pour moi d'importance, quoi, l'âge, en fait. Je dis ça parce que je suis vieux, et particulièrement plus la semaine prochaine, mais je trouve que ça n'a aucune espèce d'importance, quoi. Que elle est mignonne, Nadjat, elle a sûrement des tas de trucs à dire en éducation, mais elle peut pas faire grand chose avec le président qui est là, quoi. C'est quelqu'un qui les tient quand même. Ça ramène au thème de la pièce, cette espèce de main tendue à la génération suivante que certains font et d'autres pas. Oui, mais les vieux ne veulent pas donner la main. Ici, Hollande, il essaye de se les mettre dans la poche, peut-être. Bah oui, comme dit Hippolyte, c'est une façon d'appâter un petit peu la population avec des jeunes, mais je pense que... Enfin, je pense rien, d'ailleurs. Est-ce que ça peut... On avait un doute là-dessus. Vous en pensez quelque chose, vous nous avez répondu, d'ailleurs. C'est une génération moins politisée et qui maîtrise mieux la communication. Alors, on n'est pas dans les soucis. Oui, mais ils sont trop dans la communication, aussi, vraisemblablement. Vous le sentez, c'est évident, quand ils ont 35 ans, ils veulent... On est dans une société de communication, ils sont en plein dedans. Ils veulent exister à part entière avec la communication. C'est des jeunes qui n'en veulent, n'est-ce pas, Thomas VDB ? Ouais, mais moi je pense exactement comme Jean-Claude Dreyfus. De toute façon, on s'en fout, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est les entreprises qui l'ont, donc ils s'en vont. Et voilà, petite conclusion. Voilà. L'affaire est réglée, passons au dossier suivant. Je pense qu'on a traité le sujet. Passons au dossier suivant, c'est beaucoup plus glamour quand même. Je vais vous dire, le dossier suivant s'appelle Hippolyte Girardot. Alors là, c'est quelque chose. Ah oui, parce qu'on alterne, bien sûr, évidemment. Eh bien, donc, vous attendiez pas, vous êtes prêts? Non, j'étais pas prêt. On alterne les jeunes et les vieux. Si vous aviez écouté mes lancements, vous sauriez que vous étiez le premier à parler. Ok. Oui, bon, donc bref. Évidemment, il me serait aisé de me lancer dans une diatribe contre l'emploi totalement fantaisiste du mot race, instrumentalisé par des manipulateurs pavloviens en quête d'applaudissements aussi faciles à obtenir que les huées dont ils sont la cible. Paf, la phrase. Oh, l'intro. Paf. Aisé, pavlovien, hué, j'en reviens pas. Je parle comme un France Culture, voilà. Parce que oui, comment on parle est beaucoup plus important que ce qu'on dit. Je pense même qu'on entend moins les mots que leur musique, ou plutôt que la musique vous suffit au bout du compte. Mais bon, c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter ce soir, puisque contradictoirement à ce que je viens de dire, je vais évidemment vous parler de ce mot race, employé à tort et à travers, à mauvais escient et à charge, comme le fit La Morano, en ne l'acceptant que de couleur blanche. Oui, parce que nous savons ici que le mot race ne peut être caractérisé par une couleur. Déjà d'abord parce que définir une couleur dans toute sa complexité est un vrai travail d'érudit, au même titre que celui du goûteur de vin capable avec des mots de nous faire sentir un vin que nous ne boirons jamais. D'autre part parce que scientifiquement, la notion de race n'existe tout simplement pas, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle l'espèce humaine. L'expression « espèce de conne » nous le rappelle. Cela dit, le con non plus n'est pas une espèce, mais ici une insulte sexiste et machiste employée régulièrement par des espèces, pour le coup là oui, de couillons. Alors que, par exemple, il existe plusieurs races dans l'espèce animale. Par exemple, puisque nous avons ici à table un spécialiste, il existe plusieurs races de cochon. Je ne me risquerai pas à tenter, comme le goûteur son vin ou Rudy la couleur, de décrire le cochon. Notre invité le ferait beaucoup mieux que moi, mais je rappellerai juste qu'il est une sous-espèce du sanglier sauvage, avec qui d'ailleurs, et à cause de cela, il peut forniquer et engendrer, comme on peut manger une terrine mélangée de sanglier et de cochon. Bref, j'en reviens à mon truc. Employer le mot race donc, en parlant des bipèdes qui sont en train de scier la terre sur laquelle ils sont assis, est une bêtise très répandue. Ce qui prouve bien que le terme sapien, c'est-à-dire sage, savant et raisonnable, accolé à homo, est lui aussi inapproprié. Il existait pour le coup une autre espèce avant la nôtre, l'homo erectus, qui à force d'erectus a créé le sapien, c'est-à-dire prudent, intelligent, logique, ce qui prouve bien que ça n'a aucun sens. Et il y avait à côté, on the side, comme la salade, l'espèce homo néandertalensis, qui elle a disparu. Donc ne reste sur Terre qu'une seule race humaine, la sapiens, la mal nommée. La génétique, dont nous sommes les sujets, nous explique que la variation entre deux génomes humains est environ 10 fois moins que celle entre deux mouches. Alors, la différence de couleur chez l'humain, Morano, c'est vraiment de l'enculage de... Réfléchissant à cet étalage de bêtises, au point d'affliger Sarkozy, qui pourtant a le cuir épais, je ne saurais trop conseiller à ces excités de la classification de suivre avec attention l'expérience d'un Anglais. Car l'anglais est humain, oui, de notre espèce, oui. Cet anglais, lassé du monde moderne, s'est mis en tête de devenir chèvre. Pour de vrai. Un type remarquable. Alors, tellement remarquable qu'il avait déjà essayé de construire un grille-pain à partir de rien. Un anglais, en un mot. Eh bien, il n'a pas fait les choses à moitié. Prothèse, entraînement pendant des mois, à deux doigts de se faire implanter un faux estomac pour digérer l'herbe. Il a quand même poussé le vice jusqu'à subir une stimulation magnétique transcrânienne pour provoquer des lésions temporaires au cerveau afin de bloquer sa capacité à parler. Un berger suisse ou else, a accepté de le laisser vivre avec son troupeau pendant 3 jours, avec qui il a erré comme une chèvre solitaire. Effrayé d'être encorné, claquant des dents dans la nuit, dévalant la pente à cause de ses prothèses, cet homme chèvre a enduré l'enfer caprin pour, dit-il, contribuer au débat sur les problèmes que pose l'adoption. Alors, Morano, franchement, qu'attends-tu, hein? Au minimum, une petite stimulation transcrânienne. Oui, oui, celle qui bloque la capacité à parler. Qu'en penses-tu? Hippolyte Girardot. Qui conseille à Nadine de faire la femme chèvre. Et je pense qu'il y a des prédispositions. Oui, et qui parlait de race de cochons. Alors, c'est vrai, il y a plus. Tous les cochons sont des porcs, hein. Oui. De toute façon. Non, mais il y a plein de races de cochons. Vous les connaissez toutes Non, mais il y a les petits cochons nains, les cochons noirs. Y a, de toute façon, les cochons blancs, ça existe, non? Non, je crois pas. Non, les roses. Il y a des roses. Ah, ils sont pleins de boue, qui se roulent dans la boue, donc ils deviennent noirs. Voilà. C'est exactement ça. Alors, si on demandait à la technique, à Elisabeth Collet, de nous mettre sur la platine. Qu'est-ce qu'il lui reste en boutique? Un disque. Voilà. Enfin, je sais pas, peut-être un Aretha Franklin. Vous avez l'air bien au courant. C'est parti, il n'y a qu'à demander. Thank you. Queen of Fools, c'est Aretha Franklin sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Dreyfus, qui joue au Théâtre du Splendide Le Chant des Oliviers de Marilyn Ball, avec notamment Julia Duchaussois ou Frédéric Kiering. C'est tous les jours, enfin du mardi au samedi à 19h. À 19h, à l'heure de l'apéro. Et je chante une petite chanson même. Ah bon ? On entend à la fin, je chante. Je démarre la pièce avec une très jolie chanson qui s'appelle Le Vieux. Oui. Vous voulez nous faire un petit extrait ? Oui. Quand je serai petit, j'aurai une famille toute réunie, qu'on aurait brillé scintille. Quand je serai petit, j'aurai 30 enfants, des tonnes d'amis, une seule femme, 15 amants. Tourne, tourne ma vie, reviens à l'envers, etc. C'est pour vous enchaîner avec le prochain sujet. Oui, c'est le et la thématique était bien. Vous avez raison. Mais alors j'ai une chanson de Frank Sforza. Et on l'entend à la fin et je chante avec une on va dire c'est Françoise, sans dire plus. Oui, on ne peut féminine. Pas raconter parce que sinon il y a des secrets dans la pièce. Des secrets, il y a des rebondissements. Et oui, Alex Vizorek, il y a aussi Hippolyte Girardot, Thomas VDB que vous entendrez tout à l'heure. Et là, c'est l'heure sur France Inter du moment Meurice. Il est aux courses. Il est aux courses. Alors pas du tout, Charline. Ah bon. C'est l'heure du Qatar moment Meurice. Ah, et oui, je tente d'être sponsorisé par ce beau pays. J'ai eu cette idée en allant hier au Qatar, prix de l'Arc de Triomphe à l'Hippodrome de Longchamp. Alors avant, c'était simple, hein, le prix de l'Arc de Triomphe. On connaissait l'ambiance. Des mecs en tenue orange fluo qui tapent avec une cravache sur le cul d'un cheval, non sans l'avoir affublé auparavant d'un nom ridicule tel Fakir du Vivier, Tourangelle de la Tour ou Galouzeau de Villepin. Enfin, pas certain pour le dernier, enfin, pas certain qu'il faille miser sur ce cheval-là en tout cas. Mais bref, vous l'avez compris, le prix de l'Arc de Triomphe, ça ressemblait à un rassemblement sadomaso-zoophile dont les costumes étaient fournis par les chantiers de l'autoroute du Sud. Eh bien, c'est exactement pareil aujourd'hui, mais le tout sponsorisé par le Qatar. Alors, au niveau des costumes fluo, on est bien d'accord que je parle uniquement des jockeys, parce qu'en tribune, le dress code est très strict. Chapeau obligatoire pour les femmes, cravate ou nœud papillon pour les hommes. Tout le monde avait bien sûr respecté la règle, sauf moi déjà, et un autre mec qui avait fait pire que moi. Oui, c'est possible, il était carrément en bermuda et en sandales. Je pensais pas que ce serait à ce niveau-là, quoi. Moi je suis venu... Ouais, vous êtes venu tranquillou, quoi. Tranquille, voilà. Vous avez pas peur de vous faire virer ? Je suis passé, là, pour l'instant, à tous les passages. Parce que là, on vous remarque, du coup. Ouais, tant mieux, hein. Tout le monde veut se faire remarquer. Oui, alors c'est sûr que lui, il se faisait remarquer direct, hein. On aurait dit un clown pétomane à l'enterrement d'un académicien filloniste. Moi, je me suis éloigné, hein, de peur qu'on nous soupçonne d'actes de terrorisme esthétique en bande organisée. Et je me suis rapproché d'un véritable turfiste habitué du prix de l'Arc de Triomphe. Ah bah, c'est un événement, hein. Là, vous parlez du Qatar, oui. Enfin, de la course, en tout cas, pas du Qatar, le pays. Non, mais là... Vous l'appelez Qatar directement, vous ? C'est Qatar qui sponsorise. Hein. D'ailleurs, ça pose pas un problème d'éthique, ça, alors ? Ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Ah, alors, le sujet est un petit peu sensible. Il faut dire que le Qatar respecte plus le droit des chevaux que les droits de l'homme. Encore que le cheval qui se fait flageller, il a rien fait du tout. Alors que si l'homme qatari se fait flageller, c'est qu'il s'est rendu coupable de relations sexuelles illicites. Hein. Méditez ça un petit peu, Vizorek. Je dis ça à vous, hein, parce que tout le monde connaît votre surnom, le maître étalon. D'ailleurs, puisqu'on parle de cheval, il y avait un grand favori, il s'appelait Trèves. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce cheval ? Demandons à un autre turfiste. Il y en a deux par siècle, des chevaux comme ça à peu près, deux ou trois. Vous êtes sûr qu'il va gagner ? La pression médiatique est trop forte et j'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a une grosse pression médiatique, il y a une déception derrière. Vous pensez que le cheval ne supporte pas la pression médiatique ? Oui. Oui, c'est vrai, les chevaux sont très sensibles à ça, aux paparazzi hein, qui les traquent dès qu'ils sortent de leur box avec leur pouliche. Ils peuvent pas se promener peinard, sabot dans le sabot sans se retrouver en une de cheval passion. Ils sont sans cesse invités à des talk shows sur Equidia, enfin, c'est infernal. On dit une vie de chien, on devrait dire une vie de cheval médiatique. D'ailleurs, ce fameux ultra favori a fini quatrième de la course. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vous dire qu'il supporte autant la pression médiatique qu'un tennisman français à Roland-Garros. Pour les parieurs, c'est pire, parce que c'est pas facile de miser sur des chevaux à ce niveau. Ils sont tous très très bons. Comment vous expliquer ? Il me faudrait une métaphore. Demandons à ce même parieur. C'est comme si dans un parterre de jolies filles avec que des bombes partout. Donc les filles et les chevaux, c'est pareil finalement. Et les nanas, c'est pareil. Il y en a deux magnifiques, il y en a une chieuse que je vais ruiner la vie. L'autre, ça va être une fille gentille. J'ai un pacte avec les chevaux. Je les monte pas, je les joue. Et avec les nanas, je vous laisse conclure. Voilà, voilà, ah oui, voilà. C'est classe, le Grand Prix d'Arc de Triomphe. On va conclure justement avec une nana, parce que des nanas, il y en avait au prix Qatar Arc de Triomphe. Alors, le Qatar, même s'il y a eu quelques petites évolutions en matière de droits des femmes ces dernières années, la charia sert toujours de base au code pénal. Est-ce que ça choquait cette jeune fille que le Qatar donne son nom à une course si prestigieuse? Il y a des réalités de business. Il y a plein de trucs qui nous choquent, même quand un mec dans la voiture, un Français, vous dit connasse, ça me choque encore plus. Ça vous arrive souvent? En France, à Paris, oui. Voilà, donc elle est plus choquée de se faire traiter de connasse à Paris en voiture que par un régime théologique répressif, ce qui laisserait éventuellement penser que quelques automobilistes parisiens peuvent avoir raison sur son compte, éventuellement. D'où ma dernière question. Vous vous remettez jamais en question? Au volant? Si, quand je me mets en question, je ferme ma gueule. Voilà, et fermer leur gueule, c'est ce qu'ont intérêt à faire les opposants au régime qatari qui se trouve sur place, sous peine de se retrouver en tôle, comme le poète Mohamed Al-Ajami, condamné pour avoir souhaité que le printemps arabe s'étende aux monarchies du Golfe. À l'hippodrome de Longchamp, hier, on était à cheval, mais pas sur les principes. Guillaume Meurice, eh oui, tout est politique. Mais oui, tout, tout, même Guillaume les chevaux. Meurice, le seul type de gauche hier au Grand Prix. Ça, c'est fort possible. Et surtout, il s'est fait repérer. Vous êtes toujours sur France Inter et c'est Jean-Claude Dreyfus qui a tout annulé pour nous. Tout annulé, sauf sa pièce, bien sûr, Le Chant des Oliviers, que vous pouvez voir au Théâtre du Splendide à 19h, demain, par exemple. À partir mardi, de demain, hein, partir du mardi au samedi. Et voilà, du mardi au samedi. Pas le lundi, oui. C'est pas oui, aujourd'hui, c'est relâche. J'ai annulé d'autres choses. Ouais. Ah voilà, vous avez annulé quoi, par exemple? Vous aviez un... Pardon, je sais pas, qu'est-ce que vous avez annulé? Un jacuzzi, un truc? Oui, oui, des choses ludiques. Des choses de la vie, quoi, voilà. Allez, n'importe la vie de Jean-Claude Dreyfus. Christophe Olave Karamsa était un prêtre haut placé. Il a fait son coming out ce week-end, ce qui lui vaut un aller simple pour Barcelone, où il est parti vivre avec son compagnon pour s'éloigner de Rome, où c'est pas la tolérance qui les étouffe. Hein. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortez? Je vous sens un peu crispé. Non. Je ne vous marche pas sur les pieds, au moins. Non. Ah, lâchez-moi, sale pédale! Mais c'est pas vos pieds qui gênent, c'est votre fils! Voilà, on comprend qu'il soit parti. C'est un extrait, bien sûr, du Père Noël est une ordure. Alors, Christophe Olave Karamsa, il était le secrétaire général adjoint de la commission théologique. Donc c'était au cadre, hein, dans la prêtrise. Et il déclare notamment, j'ai lu ça ce matin dans Libé, le clergé est largement homosexuel et aussi homophobe jusqu'à la paranoïa. Qu'est-ce qu'il faut au Vatican? Une thérapie de groupe, là, peut-être, à ce niveau-là? Jean-Claude Dreyfus, sous quel œil vous voyez tout ça, vous? Bon, écoutez... Moi, je suis, comme les coming out, j'ai toujours trouvé ça un peu curieux. Je veux dire, pourquoi, quel besoin? Bon, vous vous souvenez, quand notre ami Delanoé a fait son coming out, il a peut-être eu raison de le faire pour dire qui il était. Mais en même temps, c'était hier ou avant-hier, la nuit blanche. Vous vous souvenez de la nuit blanche qu'il a passée il y a quelques années? Il a failli se faire assassiner. Vraisemblablement pour ça. Mm-hmm. Quel besoin d'annoncer les choses? Justement, il faut que ça devienne peut-être plus... Oui, mais est-ce que vous annoncez que vous êtes hétéro, vous? Non, mais je peux le faire. D'ailleurs, je le dis. Je vais faire mon coming in. Ça a un intérêt de vous dire. Alors, si la veille. Oui, c'est politique, c'est pas du tout. La veille du synode sur la famille, voilà, qui est un grand. Oui, je pense que. Non, mais ce gars, ça lui permet de dire une chose, outre le fait du coming out, je pense que ça lui permet de dire que le clergé est largement homosexuel. Ce qui n'est pas spécialement étonnant, puisqu'ils sont tout le temps tous ensemble, il y a très peu de femmes, etc. Il y a quelque chose de très naturel là-dedans, tu vois. Bah oui, c'est un petit peu comme en prison, c'est presque en fait. Moi, je pense que c'est mieux que le Qatar, d'ailleurs, à faire. Mais je pense que ça, en fait, ça sert à ça, pour lui. Peut-être qu'avec ce pape François, peut-être c'est une ouverture, justement, pour faire évoluer un petit peu la sexualité des curés. Oui, des sans doute que l'idée, prêtres, donc, c'est Christophe Olave Karamsa, hein, pas Karamsa, Karamsa, donc, a fait son coming out la veille du synode sur la famille, donc c'est vraiment, c'est comme les lanceurs d'alerte, etc. Et voilà. C'est une forme c'est assez héroïque comme geste, finalement, et puis ça met un coup de pied dans la fourmilière, ça suscite le débat à un moment bien précis. Il n'est pas resté en Italie, il est parti à Barcelone. Les remplaces sont plus rigolos que le Vatican. Je vous pose cette question. C'est parce qu'à l'âge de 25 ans, vous étiez Erna von Scratch, moulée dans des robes à la Dietrich. Et il y a quelques mois, J'étais aussi Marie-Pierre, hein, je vous signale. Et vous savez, quand je jouais le Mardi à Monoprix, il y a, c'est arrivé une ou deux fois qu'il y a des spectateurs qui disent au directeur du théâtre, qui nous l'a relaté, je me souviens pas très bien, je me souviens pas du nom de l'actrice, mais elle est formidable. Hein. Donc là, j'étais vraiment une femme. Hein. Et dans les débats, parce qu'on a fait quelques fois des débats, les gens me demandaient comment vous faites alors pour marcher avec des talons, surtout que j'avais des problèmes de hanche. Hein. Je lui dis, oh, bah, il suffit d'un petit peu de talent. Bon, rigoler, je dis ça. Hein. Et puis, j'ai confié le secret de temps en temps dans ces débats, en disant, vous savez, c'était quand on m'a proposé de jouer ça, ça m'a posé un réel problème, parce que quand j'étais gamine, pardon, quand j'étais petite fille, j'ai beaucoup travaillé pour devenir un homme, l'homme que vous pouvez connaître, voir un genre de baroudeur avec parfois un revolver à la main, ou un hachoir, ou une chose comme ça, assez viril. Et là, quand Michel Desi m'a proposé cette pièce, ça m'a posé un réel problème. Mais je me suis dit, oui, je sais. Après, j'ai des questions, et c'est, comment vous faites pour interpréter savoir comment fonctionne une femme. Je lui dis, ben voilà, peut-être que j'en suis une. Jean-Claude Dreyfus. D'ailleurs, vous aurez noté la cohérence de l'Église dans ce cas, hein, qui pour chasser de ses rangs un prêtre homo, va s'employer à le défroquer. Hashtag la cohérence. Hashtag Thomas VDB à cette heure-ci sur France Inter. C'est bien moi, Charline. J'aimerais, je sais que les auditeurs sont déception, habitués à ça. Déception, il y a des tweets. Hein. Effectivement, non, alors exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de jingle, puisque voilà, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer ma chronique par un petit happening. Je sais, j'ai prévenu personne, mais c'est comme ça que c'est le meilleur en général. Guillaume, c'est quand ton anniversaire ? 14 juin. Le 14 juin. Eh ben, imaginons qu'aujourd'hui, on est le 14 juin. Ah, c'est gentil. Eh ben ouais ! Il s'y attendait pas non, du tout. Non, ça fait plaisir. Regarde la tête qu'il fait. Ah, on l'a pris par surprise. Merci beaucoup. Guillaume. Mais ouais, j'ai la vraie version de Guillaume. Et ça, c'est excellent. Le petit happening qu'on vient de faire. Donc ça, j'ai vraiment, en plus de ça, une très... Merci beaucoup de ça. Super. J'ai vraiment une très bonne nouvelle pour France Inter, qui n'aura pas à payer de droits d'auteur, oui, juste vrai. Parce qu'on vient de jouer la chanson Joyeux anniversaire. Parce que jusqu'à tout récemment, il faut savoir ça, c'est qu'à chaque fois qu'on chantait Joyeux anniversaire dans un film, à la radio, n'importe où, il fallait payer des droits d'auteur. Vous savez, quand un film est projeté au cinéma, parfois dans le fond de la salle, il y a un homme mystérieux en impair qui prend des notes. Cet homme, c'est l'inspecteur de la SACEM qui note si, par exemple, vous chantez Joyeux anniversaire dans le film auquel cas le producteur va devoir payer des droits. Mais évidemment, vous ne deviez, jusqu'il n'y a pas longtemps, payer des droits sur la chanson qu'en cas d'utilisation publique du morceau. Hein, j'ai bien film, concert ou radio. Je dis ça parce que ça a créé des problèmes dans des familles qui ont laissé des hommes en impair accéder au goûter d'anniversaire de leurs enfants pensant que c'était des inspecteurs de la SACEM. Mais d'où vient Joyeux anniversaire? Quelle est l'histoire de Joyeux anniversaire? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui se lèvent tous les matins en se demandant mais d'où vient cette belle chanson Joyeux anniversaire? Il faut que je sache. Eh bien, la chanson Joyeux anniversaire a été écrite par deux institutrices du Kentucky à la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai. C'est rigolo d'ailleurs d'imaginer les deux meufs qui ont écrit la chanson au piano et qui cherchaient la mélodie au piano. Un joyeux anniversaire, versaire, ré mineur, ré mineur, versaire, la bémol, versaire. Alors on a le tube, on a le tube. Et très vite, c'est devenu un tube, évidemment, synonyme de fête et de joie. Comme les disques, je rappelle, n'existaient pas encore à l'époque, les gens étaient obligés d'attendre la date de l'anniversaire pour chanter la chanson. C'est « Oh, mercredi, c'est l'anniversaire d'Arnaud, je suis trop impatient qu'on lui chante tous joyeux anniversaire. Oh, la tête qu'il va faire. Oh là là, j'ai trop hâte. » Et évidemment, des années se sont passées et au début du XXe siècle, eh bien une société d'auteurs a déposé la partition du morceau en prétendant en détenir les droits. Donc peu de temps après, cette société est rachetée par Warner, qui depuis plus d'un siècle percevait des droits d'auteur à chaque fois que la chanson était chantée dans une œuvre. Hein, c'est pas con, c'est comme si moi par exemple je dépose Hachoum à la SACEM, ensuite je vais voir Danny Boone et j'ai dit oh, y a un mec qui éternue dans Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, ah bah t'as voulu de la caillasse mon pote. Voilà. Hein, alors heureusement, il y a trois semaines, un tribunal américain a finalement débouté les ayants droit de la chanson en disant arrêtez avec ça, maintenant tout le monde a le droit de chanter Joyeux anniversaire. Alors maintenant, je sais ce que vous allez me dire c'est pas bien d'abuser des bonnes choses, mais Jean-Claude Dreyfus, je crois pas dire de bêtises en disant que vous êtes né le 18 février. Ouais, eh ben on imagine tout de suite que vous êtes né le 18 février. Anniversaire, j'en paye plus les droits d'auteur, on s'en fout. autant se faire plaisir. Attendez, c'est pas terminé. Parce que, attends, d'ailleurs, si on était le 18 février, mais que vos parents, par exemple, ils vous avaient pas appelé Jean-Claude, mais je sais pas, ils vous avaient appelé Jean-Louis. Pas de problème, on a ça, le magasin. Berlin, Serge, Jean-Louis. Mais ouais, si vous cherchez pour votre prénom, voilà, ils y sont tous sur YouTube. Merci à tous. Merci. Bravo. Hein. Alors là, c'est planétaire, ce bon anniversaire. C'est une très jolie rubrique. On apprend des choses, hein, avec Thomas Vélez. L'actualité avec Jean-Claude Dreyfus. C'est-à-dire un mélange d'actualité et de musique, évidemment. Ouais. Évidemment, évidemment, sur France Inter. Merci Thomas. Allez, avec vous Jean-Claude Dreyfus, on aborde le troisième sujet. Là aussi, un sujet de société. Ah oui, sujet des cabioleurs. Exactement. Alors, sujet de société. Ça m'intéresse, c'est vraiment coming out, moi aussi. Sujet des cabioleurs, franchement, là, je vais vous dire, ça me passionne. Nous aussi, on s'est passionnés pour ce sujet. Écoutez, on va voir, je ne sais pas, lançons-nous. En tout cas, Rouen-Beauvais. 6 allers-retours par jour à 5 euros le trajet. Alors là, il faut quand même aimer les trajets en camion. C'est le co-camionnage proposé par une start-up qui s'appelle WeTruck et qui fait, paraît-il, des débuts fracassants. Alors les clients sont séduits et figurez-vous, même les femmes. Ça change de la voiture, ça change du bateau, ça change de l'avion, ça change des choses qu'on a l'habitude de faire. S'installer dans la cabine du camion, enfin c'est des... Moi j'étais jamais montée dans un camion. On a eu de la place pour les gens, on a de la place pour s'installer, il y a une couchette derrière, enfin on est bien. Bah, ce qui est génial, bien. C'est que les sièges sont montés sur amortisseurs. Et ça, c'est juste du bonheur. Alors vous allez peut-être pas me croire, mais si vous écoutiez France Inter ce matin, c'est un vrai son d'un vrai reportage. C'était chez Bruno Duvier. Ah oui. Non, c'était diffusé ce matin, notamment à 6h30. Et vous étiez le veto. C'est vraiment une dame qui a été interviewée parce qu'elle a dormi dans un camion. Voilà, en tout cas, qui a fait du co-camionnage et apparemment, elle n'en est pas ressortie indemne. Alors, et la musique, la musique on l'a rajoutée parce qu'on a trouvé que ça apparemment, ça lui faisait des choses dans le bas du dos. C'est quand même plus rigolo que de faire un blablacar avec un mec qui va vous parler de Philippot pendant tout le voyage. En plus, avec les camionneurs, ils s'arrêtent chez les routiers. Et les routiers, c'est super bon petit restaurant. Hein, moi, je vais peut-être faire des voyages avec les co-camionneurs. Moi, j'adore. Hein. Donc, s'il existe. C'est des marrants, c'est des gens gentils. En plus, les camionneurs, ils sont comme ça, barbouqués, mais ils sont hyper gentils. Il y a même des femmes aujourd'hui, je pense. Oui, très certainement. Oui. Alors, on peut aussi emporter des objets encombrants. Ah bah oui. Comme la belle-mère, un vélo, un meuble. Non, mais il y a un côté pratique aussi. Cher si on prend un meuble. Alors ça, c'est pas précisé. Parce que 5 euros, c'est pas cher quand même. C'est pas cher du tout. Et alors, les camions desservent plus facilement l'aéroport de Beauvais, voire les aéroports, les gares, les ports. Donc c'est apparemment très pratique. Il y a une application pour ça. Alors, c'est une start-up qui s'appelle WeTruck. Je sais pas s'il y a une appli, mais en tout cas, il y a un site internet. Je vous sens intéressé. Ouais, ça me plaît beaucoup. Le siège avec le siège amorti. C'est génial. Après, il faut arriver à monter dans le camion. C'est assez haut quand même. Hein. Oui, il ne faut pas avoir une jupe trop serrée. Quand même. Je crois qu'on était tous prêts à faire des blagues là-dessus. Puis Jean-Claude Dreyfus, non mais attends, c'est génial. Moi, franchement, je vais y aller. Ça vous dit rien, Thomas VDB? Moi, j'ai déjà voyagé une fois avec un routier. Mon père, il fallait que j'aille loin dans le sud de la France et il n'avait pas le temps de m'emmener. Il avait un pote routier. Le routier m'avait emmené. J'avais dormi derrière le. Jean-Claude Dreyfus, c'est génial. On a place pour mettre les jambes. Mais parce que les clients disent la cabine est climatisée, c'est insonorisé, c'est super. Les gens disent ça. Vous avez ce souvenir, Thomas? Alors, j'ai souvenir que c'était en 1983. Je sais pas si tout ça. C'est... Donc, on conseille d'arrêter la première classe de la SNCF, mais tout le monde. Oui. Non, on sentait que c'était non, bah, c'est bien voyager en camion, en plus qu'à hauteur. On sent en sécurité. 5 euros, c'est une expérience. Je sais pas, ça vaut. Il y a des attractions Euro Disney, là, c'est. Non. C'est vrai que c'est bien. Si on colle son nez. Si on colle son nez contre la vitre, et puis quand le camion roule, on donne l'impression de courir, on a l'impression de courir à la vitesse du camion. Par exemple, ça, c'est des idées, d'astuces. Question pour vous, Charline, qu'est-ce que ça fait d'avoir un sujet où c'est difficile de trouver des nouvelles questions à partir d'un certain moment? Parce que, après avoir dit, et vous, est-ce que vous aimeriez faire du camionnage? Non, je me disais, est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'on doive emprunter les camions. Et vous, Charline, dans un monde en crise où on trouve ça marrant et finalement il y a une forme de logique. Mais vous, franchement, Charline, ce sera plutôt dans un camion Renault, Iveco, ou ce serait quelle marque? Tout sur Volkswagen. Moi, j'aurais rêvé, vous savez quoi, d'aller dans le combi Volkswagen de Jean-Marc Ayrault, mais là c'est trop tard. En revanche, il n'est pas pour le sketch du jour. Allez, Jean-Claude Dreyfus, est-ce que vous acceptez un rôle? Attendez, faut que je sorte des lunettes. Ah, mais évidemment, le temps justement que je vous explique le principe. Car Manuel Valls, accompagné du ministre de l'économie, ami Emmanuel Macron. Ils sont tous les deux à Tokyo pour l'année franco-japonaise de l'innovation. Et donc, ils ont rencontré vous, l'inventeur de deux robots, parce qu'ils ont vraiment rencontré des robots humanoïdes franco-japonais. Et évidemment, ils sont émerveillés. Manuel Valls, c'est Guillaume Meurice et Emmanuel Macron. C'est Hippolyte Girardot. Et moi, je fais quoi? Et vous êtes le spécialiste japonais. Je suis un écolo, moi. On y va. Regarde Emmanuel, comme ils sont beaux ces robots. Magnifique. Et ils font exactement tout ce qu'on leur dit de faire. Magnifique. T'imagines Emmanuel, un gouvernement intégralement composé de robots, un ministre qui ferait tout ce que tu dis. Manu, ça s'appelle un Jean-Vincent placé. Ah oui, c'est vrai. Ah bonjour monsieur, vous êtes le créateur de ces robots? Affirmatif, ce sont des robots franco-japonais et ils sont très proches des humains. Magnifique. Merveilleux. Magnifique. Et qu'est-ce qu'ils ont de japonais ces robots? Eh bien ils sont très efficaces au travail. Et qu'est-ce qu'ils ont de français? Il faut les recharger souvent. Et ils pourraient servir en entreprise? Bien sûr, pourquoi vous demandez ça? Parce que j'aime l'entreprise. Moi aussi j'aime l'entreprise. D'ailleurs, quel est le rapport du robot au code du travail? Pardon, je comprends pas bien la question. Si vous lui donnez des horaires de nuit, si vous le faites travailler plus de 35 heures, si de temps en temps vous lui mettez une claque derrière la tête, est-ce qu'il va se mettre en grève? Ah non. C'est ça la limite. Le travail là-dessus, je veux le rendre plus humain. Non, ça va aller très bien comme ça. Ne changez rien. Et comment il s'appelle? C'est écrit dessus. Ah oui, exact. C'est un nom japonais. Effectivement, t'as tout mis dans le boulot. C'est un joli nom. Très joli. Mais c'est génial votre truc. Franchement, j'avais rien vu de mieux depuis le 49.3. 49.3, c'est le nom d'un robot? Non. Rien à voir. Bon, alors, vous m'en prenez combien? Une dernière question. Ils votent socialistes, ces robots? Je peux les programmer. Très bien. Je vous en prends 65 millions. D'accord. Et voilà, c'est ça le dialogue social avec un robot. Le dialogue social avec un robot, on ne risque pas de se retrouver à poil en sortant dans la DRH d'Air France. Notre héros du jour, le DRH d'Air France. Jean-Claude Dreyfus, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver au théâtre. C'est au théâtre du Splendide, dans le Champ des Oliviers, de Marilyn Ball. C'est à 19h du mardi au samedi, avec Julia Duchaussois et Frédéric Kiering. Et puis en septembre prochain, dans toute la France. C'est une superbe jolie pièce. Vous y trouverez du plaisir à venir le voir. Ainsi qu'olfactif, apparemment. Oui. Allez, le mot de la fin au prêtre qui vient de faire son coming out et qui a su rester discret toutes ces années. Alors finalement, vous en êtes? Pardon? Du dîner, vous en êtes?